Salut Charline. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de Christiane Taubira. Ah, bah ouais, d'accord. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Salut les jeunes. Richard, Richard, bah, qu'est-ce que tu fais là? Ça vous embête si je prends un petit peu le piano de Manucian? Ah non, bah, mais non, pas du tout. Vas-y, je t'en prie. Oh la vache. Oh la Ah ouais, ça envoie, hein. Et attendez, entre nous, moi, j'ai jamais vu André jouer comme ça. Bah alors, hein. C'est normal, je suis pianiste. Ah, parce qu'André, il est... Bah, il se débrouille bien, mais franchement... Ouais, c'est sûr que bon, c'est ouais, beau. C'est une chose. Ouais, c'est pas... ouais. Ça marchera jamais. Bon, ouais, avec une bonne chanteuse, ça passe. Mais ouais. Enfin, ça vaut pas... Ça vaut, d'accord. Ouais, donc en fait, pour toi, Manoukian, c'est plus du pipeau que du piano, quoi. Je voulais pas le dire comme ça, mais... D'accord. Dites, vous cherchez pas un chroniqueur musical, par hasard? Maintenant que tu le dis, là, depuis deux minutes, je me disais que... Tu penses à quelqu'un? Moi, disons que moi, je transpire vraiment de la moustache. Ah bah ouais, c'est une bonne idée, mais Richard, en philosophie, tu la touches un peu, ou... Attends, tu rigoles, mes voisins, long jumeau, ils m'appellent le philosophe. Oh, le bol, on a de la chance, on a de la chance. Tiens, exemple, regarde, je me pose toujours des questions. Par exemple, tu rentres dans une pièce, hein? Bon, tiens, je vais fermer la fenêtre parce qu'il fait froid dehors. Bon, je ferme la fenêtre. Et bah, une fois que t'as fermé la fenêtre, il fait toujours aussi froid dehors. Ah ouais. C'est philosophique. C'est logique. C'est mais je vous ai prévenu, je suis le Nietzsche des barbecues. Bah écoute Richard, tu sais quoi, on va y réfléchir. Voilà, faut qu'on se fasse à l'idée quoi. Éventuellement, on te rappelle. Faut qu'on se fasse à l'idée quoi, parce que au fur et à mesure. Voilà. Au fur et à mesure. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui branche l'actualité sur 100 000 volts et voici les trois informations que nous allons mettre dans la prise jusqu'à 18h, au fur et à mesure bien sûr. Gérald Darmanin a traité Christiane Taubira de tract ambulant pour le FN, qui elle-même a traité ses propos de déchets de la pensée humaine. On attend le match retour qui, espérons-le, sera d'une meilleure tenue sémantique, parce que c'est quand même tout de même pas si compliqué quoi. Vous dites ? Comment ? Enfin, vous avez dit quelque chose ? Non. Soyez correct. La nouvelle star de l'art contemporain s'appelle Serge Lavigne. Seuls l'Élysée et Matignon ont voté par SMS. C'est paraît-il un excellent haut fonctionnaire, agrégé de lettres, mais il faudrait qu'il s'agrège aussi un petit peu à l'art. Si je peux te donner un conseil, je te vois là, ne dors pas le matin. Sans ça, tu ne sauras pas quoi faire cet après-midi. D'habitude, quand un politique se retrouve en photo avec une poule, c'est dans Closer. Rendons hommage donc à Jean-Vincent Placé, qui a choisi un magazine féminin. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. Et pour s'emparer de ces informations, je suis accompagnée de mon petit poulet, Alex Vizorek. Bonjour Charline, et autour de la table, eh bien pour l'instant il y a du monde, mais il y en aura encore plus tout à l'heure. Puisque celui qui va venir faire sa chronique à 17h20 était à Concorde il y a 10 minutes, le soleil d'Erevan. L'homme qui a d'ailleurs un peu, voilà, comme le soleil, voilà, il est là, il arrive sur son lance. L'arrivée d'André Manoukian dans ce studio. Bonjour André Manoukian. Tu sais, l'émission commence à 17h06, hein, je faisais un lancement soleil, je disais que vous étiez un peu comme le soleil, puisqu'on ne sait jamais vraiment à quelle heure il se lève, ni vraiment où il se couche. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi vous allez nous parler quand vous aurez enlevé votre veste? Du retour d'une chanteuse allemande qui a fait un tube international il y a quelques années déjà, dans les années 80, en chantant en allemand, incroyable. Alors du coup on va se balader du côté des Germains, du côté de Nietzsche, du côté de Wagner, elle s'appelle Nena. Vous vous rappelez? Vicheux, André. À 17h30, l'homme qui enivre ses interlocuteurs aussi bien qu'un pastis en plein soleil, puisqu'à la fin, il raconte presque n'importe quoi. C'est Guillaume Meurice. C'est bien moi. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour André. Moi, je me suis intéressé aujourd'hui au temps de parole des candidats au départemental. Écoutez ça. UMP, bonjour. Voilà, ça n'a aucun intérêt, mais ça enlève une seconde de temps de parole à l'UMP. ça fait quand même toujours plaisir. Et à 17h40, le soleil par excellence, avec ce qu'il a de plus dangereux. Je peux vous en parler, moi, le Icare des sentiments qui essaye vainement de m'en approcher. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Poussin. De quoi parlera-t-on? Eh bien, du texte produit, pondu, par notre invité qui plastique et repatouille un chef-d'œuvre. Très bien. Ah, il repatouille notre invité. Mais qui est ce repatouilleur? Bah, dans mes fiches, c'était pas écrit qu'il repatouillait, mais. Allez, nous sommes sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, entre deux photos de Guillaume Meurice qui fait l'andouille. Dans cette émission, nous sommes accompagné d'un référent de la République pour relever le niveau, bien sûr. Vous êtes né sous Pompidou. Vous devenez agrégé de philosophie en 98, l'année où Patrick Sébastien chante la fiesta. Vous devenez chroniqueur dans Culture et Dépendance sur TF1 en 2001, quand le Timor prend son autonomie. Parce que dépendance, autonomie, c'est... Et vous publiez La planète des sages en 2011, c'est l'année de naissance de Julia Sarkozy. Vous êtes... Je suis Charles Pépin. Bienvenue. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Charles Pépin, et vous publiez La Joie aux éditions Alary. On dit édition Alary ou Alary édition ? Alors là, il faudrait lui demander, c'est d'ailleurs mon meilleur ami par ailleurs. Mais c'est vrai ? Je pense qu'on peut dire Alary édition, ça sonne mieux. On va dire ça comme ça, hein. Je me fie à l'auteur. Alors, vous proposez une pédagogie de la joie, donc ça peut s'enseigner, ça peut s'apprendre. Je propose quand même surtout un roman. C'est plus ambigu qu'une pédagogie. Je ne donne pas de remède pour être joyeux. Hein. Désolé. Je suis déçue. Ça commence mais, très mal. Si néanmoins je devais traduire le roman en une pédagogie de la joie, je pense que je pourrais donner deux bons conseils quand même. Je vous réponds. Le premier, ce serait d'arrêter d'espérer. Tout simplement parce que quand on espère que ce sera mieux demain, quand on espère que la classe politique se mette à devenir correcte, quand on espère... Avoir une relation avec Clara, voilà. En fait, quand on espère, contrairement à ce que dit le proverbe « l'espoir fait vivre », ça a pour effet pervers de prendre l'énergie vitale qu'on a et de la tourner et de l'attirer vers ce qui n'est pas là, vers l'irréel, et de nous enlever de la force pour dire oui à ce qui est là, ici et maintenant. Donc ça, c'est le premier conseil. Manoukian, ça vous réjouit. Mais grave, j'ai lu son roman. C'est quand même il y a quand même des belles leçons à prendre à l'intérieur de ça. Il y a un ton, il y a une histoire, il y a une manière d'être là et de n'être pas là qui est absolument incroyable. Et je pense que avec un roman comme ça, par mimétisme, on peut peut-être approcher de cet état de grâce qu'on dit être dans l'instant. Pour le coup, son héros, il est tellement dans l'instant qu'il va lui arriver des embrouilles. Mais c'est pas mal d'être dans l'instant. Quel chroniqueur littéraire vous faites? Non, Clara, excusez-moi. Clara Dupont-Monod parlera tout à l'heure de votre roman, Charles Pépin. Alors, j'ai lu aussi, dans une interview, vous expliquiez que si vous vouliez inciter les gens à travailler plus, vous leur diriez « travailler plus pour exister plus ». Mais à un moment, vous dites aussi, dans le même mouvement, « travailler moins pour exister plus ». Et donc là, je n'ai pas tout compris. Je pense qu'il m'arrive de dire des conneries. Il faut le reconnaître. Mais le problème, c'est lequel des deux est une connerie. Surtout que je ne sais pas d'où ça sort. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux idées qui me semblent compatibles. La première, c'est que ce qui est intéressant dans le travail, quand le travail nous plaît et qu'il n'est pas aliénant, c'est qu'on développe du talent, des facultés et on existe plus fort. Mais est-ce que ce n'est pas une toute petite minorité de gens, ça? Donc, qui fait un travail qui lui plaît et qui n'est pas aliénant. C'est malheureusement une élite, mais on pourrait créer une société où ce serait généralisable. Ok, je vois simplement. Et puis l'autre idée, c'est qu'évidemment, le travail nous prend du temps de vie sur le loisir, sur l'amour, sur l'amitié. Et donc, il faut contrebalancer ce que le travail apporte et ce que le travail prend. C'était, je crois, l'idée de cette phrase. C'est ça. Et on peut mélanger les deux. On peut travailler avec ses amis, comme ici. Ouais. On peut travailler. Et là, on approche la joie ou pas ? D'ailleurs, sachez que ce que disaient les Grecs, c'était ça. C'était que ce qui était intéressant dans le travail, c'était l'effectivité des liens qu'on tisse les uns avec les autres. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que ce qui est douloureux quand on n'a pas de travail, c'est la rupture du lien, au fond, du lien social. Voilà. Ah oui, mais là, nous, on tisse du lien. Je suis en train d'essayer de tisser du lien avec Charline à gauche. J'ai la main d'André Manoukian dans la main, mais je n'ai pas besoin de mes mains. On n'a pas besoin des mains pour faire de la radio. Donc, oui, non, mais écoutez, je surveille que les mains d'André Manoukian soient bien sur la table. Ça, je vous le dis. Quoique, ça peut procurer de la joie sous la table aussi, Charles Pépin. Alors, pour l'instant, j'ai ma cuisse. Qui je suis touche. À côté d'André, il faut le dire. Nous créons du lien dans cette émission et de la joie. On va parler de votre roman, Charles Pépin, La Joie, chez Alary Édition, tout à l'heure avec Clara Dupont-Monod. On va aussi parler de la joie en politique et dans la société, parce que c'est le but de cette émission. Allez, on part par Pigalle déjà, jusqu'à 18h. C'est la joie, Pigalle. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y'a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme. femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces, dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, y'a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope, c'est à la poignée. Les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces, dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar, tabac. C'est Pigalle dans la salle du bar tabac sur France Inter, dans Si tu écoutes, j'annule tout, en compagnie de Charles Pépin, qu'on peut retrouver aussi dans les lundis philo de Charles Pépin. C'est au MK2 Hautefeuille si vous êtes à Paris. C'est les lundis à 18h jusqu'au 29 juin. Et Alex, autour de cette mais table. Pas que, il y a aussi André Manoukian, il y a aussi Clara Dupont-Monod et Guillaume Meurice qui rééquilibrera les temps de parole de tous les partis politiques. On se réjouit. Ah oui. Allez, tout de suite, Alex, c'est le moment de notre petite revue de presse. À deux voix. Allons-y. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Dans So Film, on apprend qu'après un tournage, Julie Gayet a invité Joe Star à dîner chez son fiancé, entre guillemets. Joe Star a accepté l'invitation sans savoir qui était le fiancé avant de se retrouver à l'Élysée, où il explique qu'il y a eu du bon rhum et qu'il est sorti de là fracassé. Ouais, alors ça s'est passé au mois de décembre, hein, donc moi j'ai du mal à croire que Joe Star savait pas qui était le fiancé de Julie Gayet. Quand même, ouais, hein. Peut-être, enfin, donc vous trouvez que c'est pas crédible. Bah aussi, quand il dit qu'il est sorti de là complètement bourré, il est crédible. Ça se tient. Ramayad propose un service civique senior obligatoire pour les gens qui ont travaillé toute leur vie et qui voudraient passer leur retraite à continuer à travailler éventuellement. Ah oui, mais c'est déjà en application. Sinon, je n'explique pas le retour d'Alain Madelin qui propose un programme d'action pour 2017. C'est dangereux, cette idée de service civique pour les seniors. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, passons à l'UMP. Après avoir fait la une des Inroc, Alain Juppé... Ah, Alain Juppé... Attends, je me reprends. Est en couverture de l'Obs. Il continue donc à séduire la gauche. C'est dur, ça, pour les jeunes de l'UMP de voir une idole comme ça récupérée par la gauche. Ah non, parce que les jeunes UMP, ils ont une nouvelle idole du coup. C'est dans Le Point cette semaine et c'est Édouard Balladur qui est très très souvent consulté à droite. C'est vraiment trop dangereux ce service civique pour les seniors. Non, et ne vous moquez pas d'Alain Juppé. Oui, vous avez raison. De toute façon, il assume son âge, il l'a dit. Je vais pas quoi faire avaler la façade, ouais. Non. Ouais. Vous allez pas vous implanter des cheveux, tout ça. Non, je vais pas ce projet. Voilà, il est cool. Et je vais vous dire, hein, entre nous, Alain Juppé, il a... Évidemment, il a toute la vie, Alain. Mais oui, non. C'est les droits d'auteur pour les restos. Et après, il faut rééquilibrer les temps de chansons à texte. Alors bon, merci. Mais non, mais ça reste dans la tête après et toute la journée. Merci, Alex. Dites-toi qu'on est dans la chanson. Vous avez entendu le petit air que Patrick Cohen a diffusé ce matin sur cette antenne dans le 7-9. Et oui, dans son billet, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, parce qu'on a beaucoup reparlé dans l'après-midi, il a diffusé une chanson en hommage à Bernadette Chirac. Vous avez reconnu ou pas Catherine Ringer sur la bande originale de Tati Daniel, La complainte de la vieille salope. sacré Patrick Cohen. Mais oui, alors Clara Dupont-Moreau est concernée, oui, parce que hier elle s'était plainte d'un truc, Bernadette, on l'avait pas cité. Au Conseil général en Corrèze. Oui, exactement. Ouais, elle a été oubliée. Mais... Alors la vraie question, c'est mais qu'ont pensé les Chirac ce matin au réveil en écoutant leur radio préférée, Patco, direction le salon de Bernadette et Jacques. Oui, un petit jingle, ça va le faire. Jacques, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a dit, Patrick Cohen ? Qui ça ? Patrick Cohen, j'avais entendu ce nom-là, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que j'étais une vieille salope. Et je vois pas le problème. Mais Jacques, mais c'est totalement faux. Je suis pas d'accord, hein. C'est vrai que vous êtes pas si âgé que ça, mais... Mais comment osez-vous, Jacques ? Vous imaginez s'il avait dit « Jacques Chirac est un bandit grabataire ». Qui ça ? Jacques Chirac ? J'avais entendu ce nom-là. Mais enfin, mais c'est vous ! Ah oui, c'est moi. Bah, bandit grabataire, ça se tient. Et on peut le refaire. Et comme ça, je le fais en stéréo. Et moi, quand il manque un jingle, j'y vais, on peut compter sur moi. Et si vous voulez, je fais l'autre clap. Voilà. En fait, on peut tout faire nous-mêmes avec des bruits de bouche, tout ça. C'est artisanal. Charles Pépin est avec nous jusqu'à 18h. Vous allez remettre un petit peu de hauteur dans tout ça. On va prendre un petit peu de recul sur les choses. Je rappelle que La Joie, chez Alary Édition, votre roman, on va en parler avec en Clara Dupont-Moreau. En un mot, JJA, sur hashtag annule tout, dit pourquoi un roman et pas un essai de philo ? En un mot. Parce que la joie est une émotion et que c'est mieux de la faire vivre à travers les scènes littéraires d'un roman qu'à travers un essai qui donnerait un peu trop de leçons. Quoi. Ok, et bien si vous trouvez que nos questions ne sont pas bonnes, posez-les sur Twitter et on les transmettra. Très bien. Allez, premier sujet, on était un peu inquiets pour la droite. Ça nous arrive, oui. Parce que, ah bon ben ouais, parce que ça faisait un moment que personne à droite n'avait demandé la démission de Christiane Taubira. Ah oui, c'est vrai. Ah, on était inquiets. Alors Gérald Darmanin l'a réclamé, cette démission. Donc tout rentre dans l'ordre, hein, je vous rassure. Le maire UMP de Tourcoing avait traité la garde des Sceaux de tract ambulant pour le FN et Christiane a tenté de garder son sang-froid. Excuse-moi, Steph, mais j'appelle Maître Dong. Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres. Qu'est-ce qu'elle a qui se referme ? C'est chakra. Chakra. Chakra. C'est un extrait d'un Indien dans la ville avec Ariel Dombal. Alors, donc, il y a un élu qui traite une ministre de la justice qui plus est de tract ambulant. Alors, est-ce que nos politiques ont encore conscience que s'ils se manquent autant de respect entre eux, bah, la population n'a aucune raison de les respecter non plus ? Et oui, mais il y a surtout une baisse du niveau de la politique tout court. Au début, on disait, oui, il y a une baisse du niveau de la parole politique. Mais vous savez, j'ai observé ça en tant qu'enseignant à Sciences Po depuis 15 ans. Et vous savez ce que j'ai vu incroyable. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, dans une classe de Sciences Po, il y a 22 élèves. En fait, les meilleurs, les plus brillants, ils voulaient faire la politique. Et maintenant, dans les plus brillants, il n'y en a plus aucun qui veut faire de la politique. C'est-à-dire que le désir de faire de la politique a complètement a disparu de l'élite, au fond. Uh-huh. Ils veulent faire du business ou de l'art, ou enfin, ce que vous voulez, mais pas de la politique. Pas de la politique. Et quand ils voient, ça ne les attire plus, quoi. Mais parce que le pouvoir n'est plus là, quoi. Et en plus, ils pourraient avoir une sorte. Enfin, ils n'ont plus cet idéal-là, quoi. Mmh. Et ils n'ont pas l'idée de mettre leur talent au service de ce genre de machine, d'appareil. Oui. Alors qu'au départ, la politique, c'est quand même mettre son talent au service de la chose publique et d'autrui. Mais le mot ministre vient de ménestrel, qui veut dire être au service de. Eh oui. Et c'est pourtant, bon quand c'est dit de façon collégiale. Et c'est peut-être pas dû au fait que... Et Jean-François Copé qui donne cours à Sciences Po, c'est ça. Ce matin, donc, sur cette antenne, dans le 5-7, Charlotte Chaffanjon du Point rappelle que Christiane Taubira avait été victime d'insultes racistes au moment de défendre sa loi pour le mariage pour tous, et que elle avait été dans ce qu'on appelle le temps long, c'est-à-dire qu'elle avait répondu par un livre qui s'appelle Parole de liberté. Et cette fois, la réponse, elle est immédiate et vive. Elle dit de Darmanin qu'il est indigent moralement et elle répond de façon virulente et surtout immédiate. C'est une erreur, voilà. Je pense qu'on peut le dire. Elle ne devrait pas s'abaisser à son niveau et elle devrait respecter le temps de la parole politique. Elle devrait respecter du silence ou alors le traiter par le mépris. Mm-hmm. Et la réponse avec le temps long et un livre, ça, c'est beaucoup plus noble. Écoutez, je pense que la vraie réponse par rapport à des attaques d'une pauvreté indigente à ce point, c'est de rien dire, hein, c'est de laisser les gens juger. Oui, et en même temps, il y a peut-être un moment où... on vous donne une claque, moi, côté chrétien, je tends l'autre bout. Non, c'est pas du tout ça, je veux dire. Oui, parce que ce qui m'a plus frappé, mais mais c'est sur l'idée de la mauvaise foi. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous qui êtes philosophe, Charles Pépin, mais c'est très frappant de voir la réaction de l'UMP sur les propos de Christiane Taubira. C'est-à-dire que c'est vraiment une affaire à tiroir langagier. Mmh. Mais quand on entend Christian Jacob ou Xavier Bertrand qui disent « Les propos de Christiane Taubira sur Darmanin ne sont pas dignes d'un ministre de la République. Oh là là, mais quelle haine et quel mépris !» Ils parlent d'eux-mêmes. Exactement. Et surtout, on se dit « Mais ceux de Darmanin, est-ce que ça l'est digne d'un député ?» Il y a quand même un moment l'hôpital qui se fout de la charité. Il y a une telle mauvaise foi. Il ne faut pas oublier quand même que le discours de Taubira pour défendre sa loi au Parlement, à l'Assemblée, était un discours d'une incroyable tenue littéraire, d'une profondeur stylistique folle. On n'avait pas entendu ça depuis... On peut être d'accord ou pas sur le contenu, ce n'est pas le sujet. Mais au niveau de la forme, de l'épaisseur du propos, ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu un discours comme ça à l'Assemblée. Et donc c'est pour ça que c'est un peu décevant qu'elle se mette à insulter l'abruti de l'UMP, je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est dommage, quoi. Gérald Darmanin, on peut citer les abrutis. Elle pourrait aussi répondre autrement, à la limite. Voilà. Mais attendez, c'est peut-être un compliment pour lui aussi. Tract pour le FN, pour Darmanin. C'est vrai, on n'y avait pas pensé comme ça. Et donc Christiane Taubira, la cible, pourquoi ? Parce que sans doute un symbole, peut-être dernier symbole de gauche dans un gouvernement jugé à droite, mais aussi symbole de diversité et de parité. Ça fait beaucoup de symboles pour une seule personne, non ? Oui, c'est ça, exactement. Très bien, ouais, c'est parfait. On va... André Manoukian, vous aussi vous prenez du recul Oui, je prends du recul sur les choses et surtout, ce qu'il y a de formidable avec la musique, c'est qu'elle rassemble. C'est Wynton Marsalis qui disait, un grand trompettiste de jazz, « Music creates community », mais community au sens d'assemblée de gens qui chantent, qui prient ensemble, qui se prennent la main, qui se prennent tout ce qu'ils veulent. Mais voilà, il y a cette fonction magique dans la chanson. Alors, on va se balader un petit peu du côté de l'Allemagne. Tout de suite, musique maestro, s'il vous plaît. C'est beau, hein? C'est allemand, ouais. Non, c'est pas allemand. En fait, si, c'est un allemand qui l'a fait, il s'appelle Hans Zimmer. Ah oh bah alors, et Zimmer, ça veut dire chambre en plus. Mais sauf que c'est la musique de Gladiator. C'est la musique de Gladiator et c'est la scène, la première scène du film, souvenez-vous. Il s'appelle Maximus, il est magnifique, il a cette manie de prendre la terre et de la humer juste avant, et puis en face de lui, il a des Germains qui sont vraiment barbares, qui n'ont peur de rien, l'émissaire qu'il a envoyé, lui, l'émissaire romain pour faire la paix, il revient décapité sur son cheval. Donc les barbares sont les Germains. Pourquoi je vous parle des barbares comme des Germains ? Puisque, en fait, les Romains les craignaient énormément. En fait, la Germanie est un des coins dans lequel les Romains ont toujours reçu des tollés, dans lesquels ils n'ont jamais pu vraiment s'implanter. 1000 ans plus tard, le protestantisme naît exactement dans ces régions où les Romains se faisaient casser la gueule, en gros. C'est-à-dire que si on prend une carte de l'Empire romain et qu'on la met en pointillé, les catholiques épousent au mètre près cette frontière-là. Et là où les Romains ont toujours reçu des tollés, et ben c'est là que vont naître les protestants. Alors pourquoi je vous parle des protestants aujourd'hui ? Parce que les protestants, dans leur opposition à Rome, vont se réinventer, vont relire la Bible, ils vont dire, vous avez vu tous ces trucs, les gars, ça n'existe pas, revenons un peu plus de fondamental. Entre autres, ils vont supprimer toutes les icônes, toutes les images. Ils ne vont plus se retrouver qu'avec le chant pour se réunir et pour parler de la Bible et pour apprendre les Écritures saintes. Autant les catholiques ont, encore une fois, je le dis souvent, mais j'aime bien cette image-là, ont les images pour apprendre. Les statues de la cathédrale de Chartres sont absolument fabuleuses. On peut faire tout le parcours du Christ à l'intérieur, depuis le moment où il est né jusqu'à sa crucifixion. Autant les protestants privés de tout cela n'ont que le chant. Et le chant, quand à force de chanter, on commence à chanter à plusieurs voix. Et à force de chanter à plusieurs voix, il faut un Kapellmeister pour mettre tout ça. Ils vont avoir le plus génial d'entre eux, c'est Jean-Sébastien Bach. Alors Bach écrit tout. On est en 1700 et des brouettes, c'est ça. Il écrit tout. Il écrit toute la musique occidentale. C'est-à-dire qu'il est à un moment charnière où il prend tout ce qui vient avant et finalement il le met dans des règles. Et tous les compositeurs qui vont venir derrière ne vont faire que déplier l'œuvre de Bach. Tous les classiques, les Beethoven, les Mozart et tout ça, on prend Bach et puis on va l'arranger. On va lui mettre des fioritures, on va le déplier un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite, mais au fond, il va tout dire. Les Allemands, un peu plus tard, vont inventer le romantisme. Hölderlin, le premier poète allemand qui naît dans les années 1780. Il va faire ses études avec Hegel, d'ailleurs. À l'âge de 5 ans, tous ses frères et sœurs meurent, bon, comme ça arrive souvent, hélas, dans ces temps-là. Les enfants ont des maladies infantiles. Et il se retrouve tout seul. Il est obsédé par toute cette mort. Un jour, pour se réfugier, il monte en haut d'un arbre. Sa mère va le chercher pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, il descend de l'arbre. Le gamin est un bambin. Mais qu'est-ce que tu as été faire là-haut? En fait, il fuyait. Et là, il lui dit cette phrase formidable. J'ai entendu et j'ai compris ce que le vent disait aux branches de l'arbre. Baudelaire va prendre Hölderlin et il va le déplier à son tour. Donc les Allemands inventent la musique, les Allemands inventent le romantisme et les Allemands, plus tard avec Richard Wagner, vont inventer la musique de film. Écoutez, ça c'est le début de l'ordurin. L'ordurin, c'est pas un synthé là, hein. Ce sont les trombones qui font des nappes. Et si on va un tout petit peu plus loin dans l'introduction, on va entendre les trombones qui vont faire des vagues. Ça va être la première fois qu'un musicien va illustrer avec de la musique un son de la nature. Et là, c'est le Rhin qui coule. Et petit à petit, les vagues vont monter et vont monter. Wagner invente au fond la musique totale. Et lui, il va être en rupture avec Bach parce qu'il va prendre des petites cellules et puis il va les faire moduler. Écoutez ça, quoi. Écoute. On navigue. Vous entendez là? Vous voyez le Rhin? Vous voyez les vagues? Charline, donnez-moi la main. Attention, oui. Le courant vous emporte. Attention, attention, attention. Oui, restez avec moi. Je me noie. Voilà. Alors, ils inventent la musique de film, ils inventent la musique totale. On va se transporter un petit peu plus loin maintenant. On va aller dans le carrément fin 19e et début du 20e. On sait que tous les musiciens d'Hollywood qui vont faire les musiques de film viennent beaucoup d'Allemagne. Et là, on va passer maintenant du côté d'un opéra, mais un autre genre d'opéra qui est génial, c'est l'opéra de Katsu, de Kurt Weill et Bertolt Brecht. C'est-à-dire que même le jazz, puisque ça, c'est du jazz au fond, pourrait être pratiquement une invention allemande. Donc Kurt Weill qui va se réfugier aux États-Unis. Et puis maintenant, on va faire un petit saut... quelques années plus tard, qui invente la musique électronique? Et ben c'est juste Kraftwerk, un autre groupe allemand. C'est-à-dire que c'est eux qui vont inventer les robots qui sont sur scène, c'est eux qui vont inventer cette sorte de minimalisme. On a toujours une sorte d'avant-garde, finalement, allemande, qui, un petit peu avant tout le monde, avance d'un pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la religion allemande, la première, je pense que c'est la musique. Et pour finir, alors il y a ce truc complètement incongru, une chanson pop chantée en allemand, parce qu'on peut pas dire que l'allemand soit une langue si chantante que ça. On est dans les années 80. Pardon. Elle s'appelait Nena, c'était 99 Luftballon. Et ben, elle revient aujourd'hui avec un titre qui s'appelle Old School. C'est dingue. Parce qu'on est parti des gladiateurs. Mais ouais, pour arriver jusque là, et c'est parti. C'est fou. Et là, il y a du Kraftwerk. Ah bah complètement. Ich bin so oldschool, ja. Das kannst du mir glauben. Doch das, was ich hier hab, wird dir dein Atem rauben. Mein erstes Album ist seit 34 Jahren draußen. Es ist so alt, man kann's nicht einmal mehr im Laden kaufen. Ihr kennt mich vielleicht noch von ein paar Klassikern aus den 80ern. Das fühlt sich fantastisch an. So oldschool. Aha. So oldschool. Ich bin so oldschool. Aha. Das stimmt. Und viele andere meinen, sie wären schon lang dabei. Doch nicht so lang wie ich aus einer völlig anderen Zeit. Heute Computer, damals analoge Handarbeit. Und meine Kinder schauen mich an und fragen mich, was ich mein. Aha. Das stimmt. Aha. Ich bin. Old School, Nena, et vous aurez entendu un petit peu de Kraftwerk, un petit peu de Wagner, un petit peu de Gladiator, hop hop hop. Vous avez entendu You Shake, Laurent, You Shake, it's du André Manoukian. Et si c'est André Manoukian? Sur France Inter, et nous sommes toujours en compagnie de Charles Pépin qui publie La Joie chez Alary Édition. Clara Dupont-Mono va nous en parler dans quelques poignées de minutes, mais avant cela, à cette heure-ci, Alex Vizorek. C'est notre reporter et aujourd'hui vous allez régler les comptes, oui. Les compteurs même. Je vais régler les pendules, puisque je voudrais vous parler du respect du temps de parole des candidats aux élections départementales. Alors souvenez-vous, hier j'ai contacté des candidats Front National, et bien le CSA m'impose de laisser la parole aux autres candidats qui se présentent dans le même secteur. Par exemple, hier j'ai appelé Frédéric Richoux, candidat FN à Bordeaux. L'extrait diffusé a duré 24 secondes, alors je dois rééquilibrer. Commençons avec la candidate PS. Alors, il faut savoir que le temps de mes questions et de mes réactions compte aussi dans le temps de parole du candidat. Je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Je vais faire une question courte. Bon. Ok, très bien. On prononce Holbeck, c'est ça? Oui, c'est ça. Holbeck. C'est ça. Alors attention, parce que là, on est à la seconde près. Hein. On rigole pas avec le CSA. Okay. Camille Holbeck, pourquoi il faudrait voter pour vous? Alors, il faudrait voter pour moi sur le canton de Bordeaux 2 et pour mon binôme Bernard Blanc. Ah voilà, bah, c'est trop tard. Eh ben ouais, c'est ça. Non mais 24 secondes, c'est très court, hein, Camille. Et puis c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de temps au début. Hein, il faut pas avoir un nom compliqué comme ça aussi, Camille Holbeck. Bon, alors tant pis, passons au candidat UMP. Alors, il faut... Juste une question, elle vous a fait tout son programme après? Non, j'avais dit que c'était quoi, elle était trop longue. Alors, il faut savoir autre chose, attention. Hein. C'est que le temps de parole des soutiens du candidat compte aussi dans le temps de parole du candidat. Hein. J'ai donc appelé l'UMP Gironde. UMP Gironde, bonjour et bienvenue. Nous allons donner suite à votre appel. On dirait une musique de film de cul. UMP Gironde, bonjour et bienvenue. Nous allons donner suite à votre appel. Voilà, donc le temps de parole de l'UMP, c'est bon. Alors, il faut savoir encore une chose, hein, c'est que le candidat UMP en question s'appelle Jean-Louis David. Alors, pour ne pas prendre de risque avec le CSA, j'ai également donné du temps de parole à Franck Provost, hein, ça me paraît logique, à Bordeaux donc. J'ai donné 24 secondes à Jean-Louis David. Mais on vous êtes chez Franck Provost là. Eh bien justement, il me faudrait 24 secondes. Un salon de coiffure franchisé, hein, donc voilà. Mais oui, mais il me faudrait 24 secondes de Franck Provost. Alors cet après-midi, ça va être compliqué parce que tout le monde est complet, voilà. Ah ben 24 secondes, c'est pas beaucoup. Attention, là, top. Demandez à chaud en plus. À chaud. Attendez. Mais non, je peux pas attendre. Les 24 secondes sont passées, désolé. Bon, passons à la candidate Front de Gauche, toujours à Bordeaux, hein, donc. Elle s'appelle Sophie Ellory. Alors là, autre problème, impossible de la joindre. Aïe. Il me fallait donc un de ses soutiens. Et le hasard faisant bien les choses, j'en ai rencontré un ce matin même à la maison de la radio. Du coup, je l'ai interviewé. Alors Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour. Alors Guillaume Meurice, vous soutenez Sophie Ellory? Eh bien tout à fait, je soutiens Sophie Ellory, oui, c'est une personne que je ne connais absolument pas, hein, bien sûr, hein, mais qui doit être, je pense, sympathique, et puis avec peut-être des choses à défendre dans son programme qui sont intéressantes. Voilà. Donc taisez-vous maintenant, Guillaume Meurice, hein, votre temps de parole est terminé. Hein. Mais attendez, j'ai pas terminé, moi. Oui, mais fermez-la. Voilà, je me suis permis d'être un petit peu familier avec mon interlocuteur, parce que je le connais bien, il a tendance à parler beaucoup trop. Donc, le temps de parole de Sophie Ellory, c'est fait. Mais alors, attendez. Si je suis moi-même le soutien de Sophie Ellory, tout ce que je vais dire maintenant sera décompté de son temps de parole. Et ça va pas l'arranger. Bon, alors attendez, je vais arranger le coup. Bon, je déclare que je ne suis absolument plus soutien de Sophie Ellory, qui est une personne que d'une part, je ne connais absolument pas, hein, et qui d'autre part, n'est peut-être pas si sympathique que ça. Et puis, elle a peut-être pas grand-chose à dire, pas grand-chose d'intéressant dans son programme. Voilà, hein, je pense qu'elle me remerciera pour ça. En tout cas, pour Bordeaux, c'est fait. Passons au canton de Souvigny, dans l'Allier. Souvenez-vous, hein, hier, j'avais interrogé Xavier Sainty. C'était le chanteur, hein, de l'hymne à Marine. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Voilà. Ouais. Du coup, il me fallait une chanson pour l'UMP, hein, bien sûr. Écoutons donc le jeune Josh Stanley, hein, promis, attention, ce n'est pas une parodie. Hein. Nicolas Sarkozy, reviens, je t'en prie. Ah bah voilà, c'est déjà un truc. Sauver la vie. Et moi je connais par cœur, c'est ma classique. C'est fou pour un jeune rocker de choisir ce thème. Les Français sont pas contents. Pas contents les Français. Faut changer le gouvernement. Ouais. Voilà, donc tout ce qui est chanson UMP. Ouais, Dédé, il tapait sur l'afterbeat. Bien joué, Dédé. Donc tout ce qui est chanson UMP, c'est bon. Appelons quand même la fédération UMP du coin. Oui, alors moi, j'ai personne là pour l'instant. Ah. Bon, si je vous donne. Écoutez, alors. Non. Bon, alors. Attends, mais vous-même, vous êtes soutien UMP? Oui, mais je peux pas, non, je peux pas m'engager à vous répondre, hein, non. Non, non, mais je m'en fous de votre réponse, ma brave dame. Moi, ce qu'il me faut, c'est du temps de parole. Et du coup, voilà, l'UMP dans l'Allier, eh ben c'est fait. Terminons pour ce canton avec le PS. J'ai contacté Jean Malo, responsable de la Fédération Socialiste du département, dans lequel il y a eu des alliances du PS avec le Front de Gauche. Je voulais que Monsieur Malo m'explique plus en détail, mais bon. Alors, écoutez, c'est compliqué cette affaire, parce que moi, j'ai fait des communiqués, tant qu'on en veut, où on explique les investitures, et tout le monde s'en fout, et après, les gens disent « Ah, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas candidat là-bas. » Bon, ah. Dans l'Allier, nous avons... Très bien. je vois que ça vous saoule un peu, cette histoire. Ouais, bah, écoutez, on raconte tout, on fait des trucs comme ça, et après, faut le répéter, donc je vous répète. Non, non, écoute, Jeannot, si tu le prends comme ça, tu vas rien nous répéter du tout. De toute façon, tu as utilisé ton temps de parole à bougonner, c'est tant pis pour toi. Donc, pour Souvigny, c'est fait. Continuons maintenant avec... Ah, non, top, non. Temps de parole est écouté, le coulé. Il est écoulé, merci. Bon, bah, tant pis, voilà, tant pis, merci Charline, merci beaucoup. Et heureusement que votre temps de parole est écouté aussi. Oui, j'espère bien. C'est le plus fondamental. Oui. Merci Guillaume Meurice. Et on embrasse très très fort le CSA. Oui, mais il faut dire que ce sont toutes des règles que vous avez obtenues de la part du CSA. Ah oui, j'ai téléphoné avant pour savoir comment on procède. Mais c'est pour ça qu'on les embrasse régulièrement, on pense à eux. Et on les aime. Et voilà, ils ne servent à rien, mais on est content qu'ils soient là. Guillaume Meurice, vous jouez dans le cadre du Festival de Saint-Gervais ce week-end. Mais oui. Votre spectacle Que demande le peuple à 17h30, ce sera samedi. Ça sera dimanche même. Dimanche, oui, à 17h30. Pas loin de chez Dédé. À Saint-Gervais. Et voilà. Et pour l'instant, nous sommes toujours en compagnie de Charles Pépin, on va aborder avec vous le deuxième sujet, parce qu'avec vous, on vous a invité pour prendre de la hauteur sur les choses. Il a été désigné par l'Élysée. Il est soupçonné de ne pas être connaisseur du monde de l'art. Bref, le futur président du Centre Pompidou a tout pour plaire. Mais ceux qui connaissent Serge Lavigne louent ses qualités de haut fonctionnaire. Tu t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Alors, comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde? Mais c'est une merde. Excuse-moi. Fabrice Lucchini, extrait de Art. Et Pierre Vanek. De Yasmina Reza. Alors, Serge Lavigne est un ancien secrétaire général du gouvernement. On se demande à ce moment-là, est-ce que nommer, c'est le dernier pouvoir de l'exécutif? Comme le suggérait ce matin le Figaro, c'est-à-dire le dernier pouvoir qu'ils ont, et en tout cas à effet immédiat. Parce que là, ils prennent une décision, paf, derrière, ben voilà, ça c'est effectif. Moi j'ai envie de lui accorder le bénéfice du doute quand même à ce pauvre gars. Surtout que dans l'art contemporain, ça peut être pas inintéressant de ne rien connaître, pour avoir un regard un peu neuf, un peu vierge sur les choses. Je sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est que moins la politique est capable d'agir, moins elle peut proposer des lois qui seront après votées au Parlement, plus elle se concentre sur le pouvoir de nomination, sur la chose qui n'appartient qu'à elle. Alors il y a peut-être un truc un peu triste dans cette crispation comme ça sur ce qu'on peut faire et qui a un effet immédiat, mais un effet immédiat d'ailleurs ça veut rien dire, parce que quel effet? Il est nommé, c'est tout. On verra si ça a un effet politique sur la politique culturelle. Mais c'est d'une tristesse sans borne quand même, parce qu'on n'arrête pas de louer les qualités gestionnaires du monsieur. Oui. On loue ses qualités de haut fonctionnaire. Voilà. C'est à ce point magique les qualités d'un haut fonctionnaire, parce qu'on peut ne pas s'y connaître en art et pour diriger l'un des plus grands musées du monde. Ouais, il donc est quand même agrégé de lettres. Hein, ouais. C'est pas uniquement un haut fonctionnaire qui a fait du droit, qui a fait l'ENA, donc il a un truc quand même intéressant. Je vous avoue, je connais pas très bien le dossier, mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est l'idée que, plus précisément, là où il est nommé, c'est justement un endroit où il faut une expertise, d'une part de connaisseurs, et d'autre part aussi pour savoir un peu comment parler aux gens, quoi. Donc c'est difficile de savoir comment parler aux gens de quelque chose que soit on connaît pas très bien. Est-ce qu'il vaut pas mieux être un bon gestionnaire qu'un bon connaisseur? Je veux dire, les grands entraîneurs de foot n'ont pas toujours fait des anciens grands joueurs. Non, mais il y a un petit peu un mélange des deux minimal. Mais oui, quand mais même. Je peux pas croire qu'il ait jamais vu un musée. En fait, on vit une époque où, de façon structurelle, beaucoup plus profonde que simplement en politique, même par rapport à l'économie, où l'idée de gestion au fond, dévorent complètement l'idée de vision. Mais c'est à ça qu'ils sont formés. Et ça, c'est un symptôme parmi d'autres de la voracité de la gestion. D'ailleurs, maintenant, ce mot a envahi la sphère affective, la sphère du couple. Il faut gérer son couple, gérer ses émotions, gérer son deuil. Voilà, je pense je tente de gérer cette émission. Si vous voulez proposer un truc intéressant, ce serait d'interdire aux enfants le mot gérer. Oh oui, voilà, oh oui, ce serait bien. Et allez, pour terminer, d'après le Figaro, je vous donne une explication, il fallait libérer le poste de secrétaire général du gouvernement pour un autre haut fonctionnaire qui s'appelle Marc Guillaume, lui-même secrétaire général du Conseil constitutionnel. Et ce dernier laisserait à terme son fauteuil à Christophe Chantepie, ex-directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault. Voilà. En fait, ça s'appelle le jeu du cabinet musical. Et on s'amuse beaucoup au sommet de l'État avec tout cela. Allez, c'est le moment de passer à l'actualité vue par les livres. Par le livre, puisqu'il fait l'actualité, c'est votre livre Charles Pépin par Clara Dupont-Monod. Eh bien oui, puisque votre livre Charles Pépin, c'est notre actualité. Votre roman s'appelle donc La Joie. Donc voilà le pitch pour parler comme Thierry Ardisson. C'est l'histoire d'un homme qui assiste aux obsèques de sa mère. Et puis par un concours de circonstances, il tue un homme qui est arabe. Il atterrit en prison et il meurt. Est-ce que ça ne vous rappelle rien ? Je viens de vous faire le pitch de L'étranger d'Albert Camus. C'est vous qui avez écrit ça. Génial. Le livre qui commence par le fameux « Aujourd'hui, maman est morte ». C'est donc L'étranger de Camus, l'histoire d'un homme qui assiste aux obsèques de sa mère et qui tue un homme, un arabe, qui atterrit en prison et qui meurt. Donc ce que vous avez fait, Charles Pépin, c'est que vous avez choisi de réécrire à votre façon un chef-d'œuvre de la littérature. Alors, il ne vous a pas échappé que nous sommes en France et que la France a un rapport un peu particulier avec l'écrit, très respectueux bien sûr, mais le revers de cette attitude, c'est que parfois la littérature, on la pose sur un coussin bordeaux frangé d'or et on s'incline devant les uns après les autres. Eh bien vous, cette sacralisation, vous vous en fichez, visiblement. Ça porte un mot, c'est deux syllabes, ça s'appelle « merci », puisqu'on ne répétera jamais assez que la littérature, c'est une patte vivante avec laquelle on peut jouer, qu'on peut moduler. Et vous, en plus, vous montrez qu'un chef-d'œuvre littéraire, c'est un peu comme le ciel, ça appartient à tout le monde. Notez André Manoukian, je vous remercie. Ça fait des paroles, une chanson. Donc, votre bonhomme, Charles Pépin, il va voir sa mère à l'hôpital, elle est très affaiblie, et malgré ça, sur le trajet vers l'hôpital, il ne conduit sa voiture que d'une seule main, l'autre bras pend à sa fenêtre. Pourquoi ? Eh bien parce que ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la caresse du soleil sur sa peau. Il aime aussi casser des œufs au bord d'un saladier, si possible en bois exotique. Il aime déguster un bon vin, faire l'amour, et en général, il boit la pluie, la tête en arrière, en pensant, je cite, que c'est bon d'avoir un corps. Et lorsqu'il croise la route d'une bande de loubards, et que ces loubards lui fracassent la tête, il pleure, le visage en sang, et son réflexe est de penser que pleurer, ça fait un bien fou. Il va recroiser la route de ses loubards, il va en tuer un, et au tribunal, alors que l'avocat général lui demande « Mais monsieur Solaro, comment vous sentez-vous » il ne peut pas s'empêcher d'être honnête, et il répond « Bien ». Et c'est comme Meursault dans L'étranger de Camus, face au procureur qui lui pose la même question. Meursault pense, je cite, « J'aurais voulu essayer de lui expliquer cordialement, presque avec affection, que je n'avais jamais pu regretter vraiment quelque chose. » Et ça va même plus loin, puisque dans L'étranger, le procureur, à bout de patience, demande à Meursault « Mais enfin, pourquoi vous avez tué cet homme ?» Et Meursault répond « C'est à cause du soleil. » D'ailleurs, votre héros s'appelle Monsieur Solaro, et ça, à mon avis, ça n'est pas un hasard, vous nous direz après. En tout cas, Solaro comme Meursault, il n'est jamais malheureux. Et vous, ce que vous faites, alors ce qui n'est pas le cas de Camus, c'est que vous avez creusé ce thème de la joie indéfectible, malgré tous les événements autour. Votre Solaro, il aime la vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait fait, et quoi qu'elle lui ait fait à lui. Et cet amour pour la vie est inébranlable, ça range votre Solaro du côté des enfants et du côté des fous, qui ont souvent la même attitude vis-à-vis de l'amour de la vie. Ça le range aussi, disent la société et la justice, à côté des dangereux, puisqu'on ne peut pas être heureux après avoir enterré sa mère et tué un homme. Dans ces cas-là, aux yeux des bonnes mœurs, la joie est un crime. Pourquoi ? Parce qu'elle est le signe d'une âme libre. Dans le film Le nom de la rose, adapté du roman d'Umberto Eco, Guillaume de Baskerville, incarné par Sean Connery, demande « Mais enfin, qu'y a-t-il de si inquiétant dans le rire ? » Et le terrible abbé Georges lui répond « Le rire tue la peur, et sans la peur, il n'est pas de foi. » Voilà pourquoi le rire et la joie ont toujours été vécus comme des menaces pour l'ordre sociétal, parce qu'ils sont sans foi ni loi, donc ils sont haïs par la religion et par la justice, c'est logique. Et d'ailleurs, la veille de sa condamnation à mort, Meursault dit « J'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. » Et votre Solaro, aux portes de la mort, qu'est-ce qu'il fait ? Il savoure la course des nuages. Je vous redonne les références. La joie de Charles Pépin, chez Alary Édition. Est-ce que vous reconnaissez votre livre ? Oui. C'est émouvant de voir cette analogie avec L'étranger, que j'avais lu une cinquantaine de fois avant d'avoir le projet d'en faire un remix. Parce que c'est comme ça, c'est ça que c'est en fait, un remix, comme le font les DJ. Ce que j'ai changé, c'est beaucoup de choses quand même, notamment le fait qu'il n'est pas indifférent, mais joyeux. Et c'était une manière de, aussi de dire que je pense que Meursault, il est déjà plus solaire que ce qu'on veut bien voir. J'avais quand même un petit peu l'idée secrète d'aider à une relecture de L'étranger aussi. Pas que de faire lire mon livre, mais de faire relire L'étranger. Alors, il faut signaler à nos auditeurs qu'on peut lire La Joie, votre livre, sans avoir lu L'étranger. Que même si on ne l'a pas lu... Mais je vais vous dire un truc, ça fait un mois que je parle du livre avec des lecteurs, des libraires, des journalistes, et 9 personnes sur 10 ne voient même pas le rapport avec L'étranger. C'est tant mieux. C'est tant mieux et un peu bizarre au regard de ce que c'est que ce livre. Mais... Sauf que Clara, si vous permettez, il me semble qu'à la sortie de la lecture de L'étranger, on est dans un sentiment qui est trouble. Parce qu'il y a quelque chose de plus sombre dans Camus. Alors que ce qu'a réussi Charles, finalement, c'est, encore une fois, par mimétisme, on a le sentiment qu'on peut s'approcher de l'état dans lequel est le héros de Charles Pépin, le héros de la joie, parce qu'il nous parle peut-être plus, parce qu'on est moins dans une forme d'existentialisme, de détachement, on est dans une modernité. C'est les fêtes qui l'amènent à être comme ça. Mais et en même temps, d'où Solaro, peut-être. Solaro, c'est solaire. Oui, bien sûr, c'est solaire. C'est quelqu'un qui s'intéresse pas à ce que... À la comparaison quoi, entre ce qu'il vit et ce que ça pourrait être, qui ne s'intéresse pas à la comparaison entre ce qu'il vit et ce que c'était. Il part du réel, et dans le réel, il aime ce qui est aimable. C'est une leçon de vivre dans l'instant, c'est difficile, ça. Vous y arrivez, vous, Charles ? Solaro, il me ressemble un peu, mais il y arrive un peu mieux que moi, quand même. Moi, j'aime quand Charles me Charles prend Pépin, la main. Charles Pépin, La Joie, chez Alary Édition. Parce que nous allons parler d'un autre personnage solaire, outre Solaro, le héros de Charles Pépin, dans le troisième sujet. Oui, pour la journée de la femme, Jean-Vincent Placé, il fallait en parler, je suis désolée. Ah, Placé pose dans Marie-Claire avec sa poule. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez tous la boule. Marlène et Darieux n'arrivent qu'en deux. La Greta Garbo peut aller retirer son chapeau. Et oui, pose dans Marie-Claire, donc pour la journée de la femme. Alors l'année dernière, les personnages, alors il y a acteur, chanteur et un homme politique. Il n'est pas tout seul, il faut le dire. Et puis il y a Nicolas Rey, il y a le fils du tronc. Voilà, qui, alors l'année dernière, les hommes posaient en talons aiguilles. Et cette année, ils posent avec une poule dans les bras parce que bien, l'année dernière, il y avait un député qui avait dit « arrêtez de caqueter ». Il y avait eu une joute oratoire entre une députée et un député. Voilà, alors l'an dernier, les hommes portent des talons. Aujourd'hui, ils tiennent une poule. Ça va faire avancer le schmilblick pour les femmes, ça, évidemment. Je crois pas, non. Mais cela dit, c'est marrant. Oui, les photos sont belles. Ce que je trouve intéressant dans tout ce débat sur le sexisme, le féminisme, et c'est que je pense qu'il faut absolument libérer les femmes de l'essence. De dire être femme, comme s'il y avait une définition, au même titre qu'il a fallu avec Sartre libérer les hommes de l'essence être homme. De ce point de vue-là, dès que c'est un peu déconnant et un peu délirant, il y a de la liberté, donc il y a de la réinvention, donc ça va. Je pense que ça ne produira pas d'effet réel, mais au moins ça n'est pas nuisible. Le but premier, c'est d'être marrant, et puis finalement, derrière le marrant, il n'y a pas. Est-ce que ça fait sens finalement, vraiment ? Selon moi, non, et c'est ça qui est plaisant. Il n'y a pas trop de sens, parce que d'ailleurs, moi j'ai plutôt l'air qui. Je ressens plutôt quelque chose qui nous parle de la relation entre l'homme et l'animal et le fait que. Je croyais que c'était un truc contre l'élevage industriel. Par exemple, Parisien Magazine régulièrement est passé maître dans l'art de mettre les politiciens dans des situations parfois un peu grotesques. Et ils se prêtent au jeu. On se souvient de Montebourg avec sa marinière et son mixeur, de La Liberté guidant le peuple avec Ségolène Royal au milieu, ou de Laurent Fabius en routard avec un énorme globe et un sac à dos. Et là, Jean-Vincent Placé avec une poule. Et ils se prêtent tous au jeu alors que ça peut quand même paraître grotesque. Là aussi, il y a. On peut s'en amuser, ça fait pas tellement sens. Non, c'est dit, pourquoi se plie-t-il à ça ? C'est une histoire qui a commencé lorsque Rocard a accepté de répondre à la question d'Ardisson, est-ce que Sucé s'est trompé ? Et à partir du moment où il a accepté de répondre, ça, le verre est ouvert, dans le fruit. Voilà. Ouais. On est dans cette histoire. Je pense que autant pendant un certain temps. Et le verre qui est dans le fruit pour Jean-Flas en placé, ça c'est bien trouvé, Charles Pépin. Voilà. Même, je veux dire, pendant longtemps, on a pu regretter que ce pas ait été franchi. Maintenant, je pense qu'une fois qu'il l'est, le réel a changé, le monde a changé, et il faut essayer de repenser la politique. À partir de ces ruines-là, quoi. On en est là, et bon courage pour la jeunesse. Oui, et bon courage à tout le monde, c'est un petit peu ça. Mais alors, il y a aussi le fait que tout fait polémique aujourd'hui. Là, polémique, c'est un petit débat sur les réseaux sociaux, le buzz du jour. Qui amuse un peu. Voilà, alors quand c'est pas les enfoirés, maintenant, c'est Vincent Placé et sa poule. Oui, puis alors, peut-être ce qu'on peut regretter un peu, c'est qu'on mette sur le même plan l'égalité salariale qu'il faudrait atteindre, la différence de traitement entre hommes et femmes, et le fait d'avoir des compliments dans la rue, qu'on assimile aujourd'hui à du harcèlement de rue. Alors, est-ce que c'est exactement la même échelle, le même palier, Charles Pépin? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je si pense vous faites siffler dans la rue. Plus généralement, il y a une confusion de l'égalité avec ce qu'on pourrait appeler la mêmeté. Il faudrait qu'il y ait une égalité, la mêmeté. Ouais, on voudrait que on soit tous les mêmes. Et en fait, l'égalité, il faudrait la comprendre uniquement au sens juridique, au fond. Et c'est tout. Pas au sens social, pas au sens anthropologique, pas au sens naturel. Et voilà, ce qui compte, c'est la différence et au moins, c'est la singularité. Ça, c'est clair. Et la parité, elle existe dans cette émission, surtout dans la revue de presse. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets? Again, the no. Oui, vous parlez de parité, mais les conneries, vous me les laissez dire à moi. Hein. Allez-y. Oui, on commence par la Belgique. Oui, à Beringen, en Flandre, une mosquée risque d'être construite dans une maison inhabitée. Sauf qu'avant, ce lieu était connu sous le nom La Finesse, un bar où les clients pouvaient boire un verre et plus si affinité. Donc on va construire une mosquée dans un ancien bordel. Quand les fidèles vont savoir qu'avant eux, sur les genoux aussi, il y avait des cochonnes, ça va leur mettre un sacré coup au moral. Très bien, et puis une étude qui ne vous a pas échappé. Oui, avec... les gens intelligents vont se coucher très tard. Alors je vous donne le résultat, les personnes avec un QI inférieur à 75 vont se coucher vers 23h30, alors que celles avec un QI élevé se couchent après minuit et demi. C'est vous, c'est 19h quoi. Ça prouve ce que je pensais, c'est que David Guetta est un génie, et que Patrick Cohen, moi qui pensais intelligent, ce type va se coucher à 10h du soir, donc voilà, je sais pas quoi vous dire. Allez, une info people. Oui, on apprend aujourd'hui le cadeau de mariage de Vanessa Paradis à Johnny Depp lors de son mariage avec la nouvelle femme. Ah bon, c'est beau joueur de sa part de faire un cadeau. Oui, ouais. C'est beau joueur de sa part, elle a offert un grippin. Ah oui, c'est bien, très bien, très bien. Et on termine par un titre. Oui, un titre de West France, un auditeur qui me l'a envoyé, je n'ajouterai rien. Le titre c'est « Il prostituait sa femme handicapée contre du pastis ». On se fait livrer les vannes à domicile aujourd'hui. Quoi, c'est aussi ça la France. Et c'est là qu'on passe de ce magnifique titre au rappel du livre de Charles joie. Pépin. De la, joie, la joie, Charles Pépin chez Alary Édition. Merci beaucoup Charles Merci Pépin d'être resté avec nous. Et je rappelle qu'on peut retrouver la chronique de Clara Dupont-Monod sur votre livre et bien sûr franceinter.fr en réécoute. Et il y a une page dédiée de Clara oui. Dupont-Monod. Quand elle la met à jour. Écoutez, voilà. Vous allez aller la mettre à jour tout de suite, vous allez filer au bureau. Demain, on se retrouve tous avec Audrey Vernon et je laisse le mot de la fin en forme de conseil pour le futur patron du centre Pompidou. 1000 fonctionnaires, le futur patron du centre Pompidou, des fonctionnaires quoi. Si je peux te donner un conseil, je te vois là, ne dors pas le matin, sans ça tu ne sauras pas quoi faire cet après-midi.